Alexandre habite au quatrième étage d'un immeuble moderne. Tous les jours, il éteint la lumière avant de partir. Il ferme sa porte à clé, puis il prend l'escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Le soir, quand il rentre, il ouvre sa boîte aux lettres pour prendre son courrier. Il est fatigué, alors il prend l'ascenseur pour monter au quatrième. Il ouvre sa porte et allume la lumière. Dans la semaine, il reste à la maison. Mais le samedi, il sort. Quelquefois, il reçoit des amis à la maison. Son amie Corinne frappe à la porte, parce que la sonnette ne marche pas. Normalement, Corinne sonne à la porte. Alexandre n'a pas acheté son appartement. Il loue son appartement. Il est locataire. Il n'est pas propriétaire. Tous les mois, il paye un loyer. Bien sûr, il doit aussi payer les factures d'électricité, de téléphone. Il aime bien son deux pièces, mais il voudrait déménager dans un appartement plus grand et plus confortable. Il va demander des renseignements à une agence immobilière.